benga wa kumpala kaba kubengi epole muntu e na bomba yango ndenge wana ma meilleure chemise au bébé sakana tache rouge à lèvres na yo il y a des ans di crèche mbwangi na lushi nalini soyo tobinaka Junior Likelenge na mona yo opimbala moko me batre na yo na bomba intacte tilelo belle inconnue Gaël et son ours bobalo à Libreville tes yeux doux cheveux longs ton visage est d'enfant aimé wawa et tikila ngai Eva Mouari traumatisme na lalakao Nabuturu Dadi Manima Nala Mukaka Nango Jour après jour Asad Konde Manager Bye Bawa Pona Polingo Babaluki Nakatia Batombo Nabango Poko Mobo Yangai Eric Kamba Va rêver, considérer Nalukola Inconnu Honorable ZK Onmutu Rezo Zomate Kaita Mbumba Oluki Langa Jeff Jadi Leteta Bien nangai Jacques Chinja Sokia Yeta Bernardo Zita Poati double zero Kutangana Kamba Paul Moutou Ememba yo Didier Moutou Yabi Sangana Yeba Soki Boli Wesili Pona Kokete Kolingana Makasi Moto Lingina Yeke Sparta Bako Okilu tulanzambea ba policier Kofi pesa na moto Abuna inga Patrick Olungo Supreme Papa Tao Silikata Obengwana na Lubumbashi Jambalo yueleki Liboso sala kiotani Satongo tolimbisa nga Yvonne Muleka la Supreme Sekwase komi prose mubimbao Na kope nga jile si ombele yeli Sase defandre nga ipona sale lokote Bon mutu amaninga ava Patrick Leblanc na matadi Sabote nga na kemae Magistrat Chambala Olmuntu wa maninga ava Serge Mugulay top class Sabote nga na kemae Elvis Ayato London Entourage Oko Molanda Bakomyo Teyo Mabe Claude Massamba Paris Brussel Ye baka koyo esanzi miteme baka jesi sur la croix Trésor Muzamba Esaleli no Mabe Mama oyebina yo kaka kolinga kasi kolimbi sa te sen pasa eme Karine Mokonzi Jadile teta o eto pa makambo babwa kiwa Angel Tema Satellite o yo moto me mande ngambo Esko monite o esika babwa keto pa makambo Chef Nestor Akiba Jean Salvador Bianke Meye Chef Jadile teta o eto pa makambo babwa kiwa Maître Ben Sulubiko Satellite o yo moto me mande ngambo Esko monite o esika babwa keto pa makambo Roger Motingi Alexambour Jean-Lionel Galliano Zola de la Cruz L'amour c'est comme l'enfer Maman nanga comme un bangé la manzo Okonzi Abazombo Oluke la nga ye ye Claude Oluboa Nzote kenda ye Dadi ma vungo vungo le Ezo songa te Oluke la nga chep chadi le teta Patrick Makoda Nenete Soki Soki Ayeta Shida Ibula Ako kutanga na kampa Paul Muto Edite Danga Tina Halito Pikas Edite Danga Le Bruxellois célèbre Oboto langa numero aloketo Oboto langa tranquille sanangai Mbimba Lix ya Ani Mbimba Oboto langa Messi Rambati Poupe Kinkela, Kinkelosa Memo Sempasi Alpha Mokua Fabrice Mawete Madombota Thierry Mokunae Jisse Songo Igelo Velela Pichu Kifaya Ben Muyamba Jose Masinda Moïse Abetanzetina Lipanga Plemela Tosha please Papi Seben Pole mutu Betanga nzeta bilingi Susina mata Eko tambangu DJ Ken Nalwanda Ya Jean-Claude Songolae Cecil Badio Zambe ya ba mama président Francis Manwana. Edith Danga le Bruxellois. Odete Chibambe, Namati Nzobe, Sita Moussapai. Linda Kenzo, Naoli la Perle Rare. Martin Semasinga, Elamba, Ane Elamba, Bobone Lelangae. Soki Bokutani, Naido Tsunza, Kuebisae, Abakisata, Mwani Lobao. Fabrice Memba, Alta Moda. Yo moto la kisanga y façon ya kolinga o O becerebra o lobi o tikangai O pa kisipan o decide o la tambati Alpha Bokole Erite minimbu fanta fofana fiens kamawele Torise lutona dio Chanta vite kambote Papa na Jean David Astrid Chandaya Ben Munge Fanta Fofana Mohamed Mwamba Nanenga Soumalobe Les Gabonais les plus dangereux Ben Willy La puissance mondiale Jean-Jacques Olomba Kula Ben Koué Charlie Mbochana